Chapitre 22e. Deux grands détectives. Paulin Broquet, dans la matinée, entra dans le bureau de M. Baumier, chef de la sûreté. « J'ai reçu un avis de Thorntwick, le grand détective américain, me donnant rendez-vous pour ce matin, à 7 heures, dans votre bureau. Il m'a également avisé. Nous ne devions nous revoir que si nous avions l'un ou l'autre des nouvelles intéressantes à nous donner. Il en a donc. Sans doute. Je proclame déjà que s'il a découvert quelque chose que je ne sache pas, il est plus fort que tout ce qu'on peut dire, car sans nous vanter, chef, nous avons bien mené cette affaire. Et s'il ne dépendait que de nous, il y a longtemps que... Oui, mais M. Montreuil lui-même nous a lié les bras. Et sans un fait nouveau, nous ne pouvons faire plus que ce que nous faisons. Peut-être l'Américain nous l'apporte-t-il. Nous allons le savoir. Voici Thorntwick. » Le détective américain parut. Il avait l'air rayonnant. Il serra la main du chef de la sûreté et donna à son collègue Paulin Broquet un vigoureux shake-hand plein de rude cordialité. « Oh, monsieur le chef de la sûreté, » commença-t-il, « vous allez une fois de plus entendre faire l'éloge de votre merveilleux Paulin Broquet. Venant de vous, cela me causera un double plaisir. Tant pis s'il est là pour m'entendre. Je dois dire quand même ce que je pense de lui. » Paulin Broquet se tenait debout tout près de l'immense bureau de son chef, s'appuyant d'une épaule au mur, se supportant sur une de ses jambes sur laquelle l'autre se croisait négligemment. Il roulait soigneusement, selon son habitude, une cigarette qu'il alluma ensuite. Puis il porta son regard sur l'Américain qui parlait, et tout en souriant ne détacha pas de lui ses yeux pénétrants. « Mon cher ami, disait le détective américain, votre réputation mondiale n'est pas faite de légendes, vous êtes plus qu'étonnant, vous êtes génial, yes, yes, tout à fait. » « Comment avez-vous pu vous apercevoir de cela ?» demanda M. Baumier. Dès que je trouvais un filon que je croyais le bon, Paulin Broquet l'avait exploré. Quand je m'engageais dans une voie que je croyais la bonne, Paulin Broquet y était passé. Quand je suivais une piste qui devait être infaillible, Paulin Broquet l'avait relevée. Quand j'allais prendre celui que je reconnaissais comme mon homme, Paulin Broquet l'avait rejeté. Partout, tout le temps, Paulin Broquet m'avait devancé, avait fouillé, avait brûlé le terrain. Et sans rien dire, sans en avoir l'air, sans bruit, il tient tout dans sa main. Je vous déclare, c'est admirable, colossalement stupéfiant. Paulin Broquet, pendant ce flot de compliments enthousiastes, fumait tranquillement sa cigarette, sans changer de position, sans bouger, ressemblant à une cariatide robuste, à l'expression railleuse, aux yeux vivants, au sourire singulièrement énigmatique. L'Américain reprit. « On parle de Sherlock Holmes, c'est un maître, oui. Mais je pense qu'il n'aurait pu faire avec toutes ces complications ce que vous avez résolu très simplement, sans jouer aux sorciers. Quant à Nick Carter, le bluffeur Nick, il aurait grand besoin de venir à votre école pour apprendre la logique, la volonté et la vérité. » Thorntwick se tut, et tourna les yeux vers Paulin Broquet qui souriait toujours de son sourire, dans lequel on aurait pu discerner s'il était dû à l'ironie, au scepticisme ou à la satisfaction d'entendre un tel éloge. Les deux hommes se regardèrent un moment ainsi, comme nous savons que déjà ils l'ont fait à plusieurs reprises au cours du premier entretien qu'ils eurent au Family House. Puis l'Américain reprit « Mon cher Paulin Broquet, je vous proclame le plus grand, le plus fort, le plus étonnant. » Au bout d'un nouveau moment de silence, Paulin Broquet dit doucement « Mon cher ami, vous me flattez. No, no, je dis la vérité, toute ma pensée. Vous êtes d'une trop grande amabilité. Non, seulement juste, vous êtes terriblement admirable. Dans ce cas, je puis reporter sur vous tous les lauriers dont vous me chargez. Comment cela? Puisque vous avez fait, vous aussi, ce que j'ai fait et que vous trouvez si admirable. Et de votre part, c'est d'autant plus beau que ça se passe à Paris, ma ville, et non à New York, la vôtre. Yes, c'est exact. Je suis aussi un grand détective. » Partant de son gros rire, l'Américain conclut « Alors nous sommes tous les deux les plus grands détectives du monde. » Paulin Broquet lui demanda « Vous êtes donc arrivé à quelque chose ?»« Yes, grand événement. Qui vous étonnera ?»« Je m'en doute. » Il y eut encore un court silence, puis l'Américain reprit « J'ai refait toute l'enquête de l'affaire Montreuil depuis l'assassinat du banquier. Le résultat? Très bon. Je sais où sont les titres volés. Titres que nous ne connaissions pas, fit observer Paulin Broquet. Vous voyez que vous êtes plus fort que nous. No, Attendez. J'ai aussi étudié les hommes qui, au dernier moment, se trouvaient chez le banquier le soir du crime. Le comte de la Guérinière, fit le chef de la sûreté, et M. Laurent. Yes. Le détective américain se mit à sourire et il haussa les épaules. Pauvres gens, fit-il d'un ton méprisant. Cela faire un coup pareil. Oh. Incapable d'en avoir seulement la pensée, des poules mouillées. Cependant, le comte de la Guérinière est un redoutable duelliste. Yes, yes, duelliste, en public, devant la galerie, piquer le bras d'un adversaire, très bien, cabotinage. Mais bien se battre en duel n'indique pas qu'on puisse tuer un banquier dans son bureau. Non, vraiment. Au fond, le comte de la Guérinière est un fêtard, un osseur, très amoureux de Lucette Minois, et voilà tout. Et M. Laurent? Celui-là, le pauvre homme qui se débat pour quelques 1000 francs, il est trop amoureux de sa femme. Un bourgeois, produit chimique en gros, ridicule. Il conclut, yes, ni l'un ni l'autre n'a fait le coup. Ah, firent seulement le chef de la sûreté et Paulin Broquet. À votre avis alors, ce serait l'autre. L'autre? Yes. Ah, celui-là, il est de taille. Il a de l'envergure, du poids. Celui-là, c'est vraiment le bel adversaire de Paulin Broquet. Monsieur Baumier s'enfonça dans son fauteuil, comme pour mieux entendre, suivre plus commodément l'Américain qui pérorait triomphalement. Quant à Paulin Broquet, immobile et impassible, il fumait sa cigarette, tout en ne quittant pas des yeux son cher confrère transatlantique. Tom Twig, alors, s'adressant directement à Paulin Broquet, reprit « Cet autre est puissant, fort. Yes, beaucoup très fort. Et excessivement terrible. Vraiment ?» fit Paulin Broquet. Celui-là, c'est Zigomar. Monsieur Baumier et Paulin Broquet en même temps s'écrièrent Zigomar. Yes, Zigomar, appuya l'Américain. Il ajouta. L'autre jour, quand mon ami Paulin Broquet m'a parlé de ce fameux Zigomar, je n'ai pas bien compris. Cependant, excusez-moi, mon cher, mais j'ai cru que c'était, comment dirais-je, un mot d'esprit parisien, un terme d'argot, pour désigner un personnage inconnu, fictif, imaginaire. Comme machin ou chose. Ou Tartempion. Yes, Tartempion, exactement. Tandis que maintenant, vous savez que Zigomar existe. Ah ah, fit Paulin Broquet, l'air profondément stupéfait. Allons donc, mon cher, vous voulez rire, c'est un bluff, une plaisanterie américaine. Pas du tout, no, pas du tout, c'est vrai, tout parfaitement vrai. Zigomar existe, yes. Vous me stupéfiez. Comment vous ne le saviez pas? Je ne voulais pas le croire. Mais la signature, le Z du coffre-fort, vous indiquait déjà. Précisément. J'ai cru que les malfaiteurs traçaient ce Z pour me tromper. Me lancer sur la piste de ce Zigomar qui n'existait pas. Ce Zigomar chimérique. Eh bien, ce Zigomar est réel, j'en ai la preuve. La preuve, vous l'avez vu, vous lui avez parlé. Vu, no. Parlé, no. Mais je sais que c'est lui qui a les valeurs. Les papiers que je désire apporter en Amérique. C'est à lui que je dois les prendre. Paulin Broquet alors abandonna le pan du mur auquel il s'appuyait. Il s'approcha du bureau de M. Baumier, jeta le bout de sa cigarette dans un cendrier et s'écria « Quand je vous disais, chef, que Tom Twig était notre maître à tous, à moi comme aux autres, quand je vous disais que Nick Carter, son élève, était un enfant auprès de lui et que même le grand Sherlock Holmes ne l'atteignait pas. Oui, oui, fit M. Baumier, c'est vrai. » Paulin Broquet alors se tourna vers Tom Twig et se tint devant lui, le regardant un moment, le tenant sous ses yeux gris perçants. « Ainsi, vous avez découvert Zigomar. Grâce à vous, ce que je tenais pour invraisemblable est devenu réel. Vous en avez la preuve. Ah, mon cher ami, vous ne sauriez croire combien je suis heureux de votre triomphe. Quel service cela me rend. Quelle joie j'en éprouve. Laissez-moi vous féliciter de votre ingéniosité étonnante, de votre talent qui me renverse. No, cher ami. » voulut dire Tom Twig. « Non, j'ai seulement eu de la chance. » « Oui, les génies modestes disent toujours cela. Mais moi, qui connais un peu le métier, je sais tout ce que vous avez employé comme intelligence, comme imagination, sans parler d'endurance et de courage. Pour réussir là où, malgré tous mes efforts, j'ai échoué. Ah, mon cher, mes compliments, mes sincères compliments. » Tom Twig remercia Paulin Broquet des éloges qu'il lui adressait, puis il ajouta « Mais découvrir Zigomar, mon cher, en somme, ce n'est rien. » Vous dites cela? Yes. Le plus important, hein, c'est de l'arrêter. L'arrêter, oui, en effet, ça ne va pas être commode. No. Et c'est ici que vous allez vous employer, mon cher Paulin Broquet. parce que moi, en France, je n'ai pas le droit. Ah, si nous étions en Amérique, ce serait vite fait. Mais à Paris, ça vous regarde. Je ne peux rien faire sans vous, mon cher Thumbtwig. Je vais donc vous donner toutes les indications nécessaires pour que vous puissiez le prendre. » Paulin Broquet l'interrompit vivement. « Non, non, je ne veux pas me paraître de Laurier. Nous devons arrêter tous les deux, ensemble, Zigomar. Inutile, mon cher ami. Pardon. Il faut qu'on sache que si enfin Zigomar est pris, c'est à vous qu'on le doit. Pourquoi ? À chacun sa gloire. D'ailleurs, ne discutons pas. Si vous ne voulez pas vous associer à moi, nous rompons. Je ne vous écoute plus. Et puisque vous m'assurez que vraiment il existe, je me lance seul à la recherche de ce Zigomar qui, à moi, m'échappe toujours. » Les deux détectives allaient encore faire assaut de générosité, d'abnégation confraternelle, mais le chef de la sûreté intervint. « Thumbtwig, voyons, soyez logique, vous ne pouvez refuser. » L'Américain alors s'inclina. « Well, très bien. » Puis il demanda. « Comment ferons-nous ? » « Je ne sais pas, » répondit Paulin Broquet. « Je ne sais pas qui est Zigomar, où il se trouve, comment il vit. Je ne vois pas par conséquent le moyen d'arriver jusqu'à lui. C'est vous seul qui pouvez régler cette expédition. » Thumbtwig réfléchit quelques secondes et il dit « Il faut prendre le pigeon au nid. » « Comment cela ? » ?»« Je vous indiquerai le nid et vous tomberez dessus à l'improviste. » Paulin Broquet secoua la tête. « Bon moyen, mais c'est inapplicable. Pourquoi » « Pourquoi ? » ?»« La loi ne permet pas de pénétrer dans les maisons avant certaines heures. Zigomar aura le temps de fuir. Le jour où nous irons chez lui, il peut ne pas rentrer. Enfin, il est homme à faire de la résistance. » « Mais en le surprenant ?» « Je ne compte pas sur la surprise. Je suis trop connu pour ne pas être dépisté tout de suite. On m'espionne. Zigomar sera toujours averti. »« Yes, possible. Cependant, il faut se hâter, car les papiers et les valeurs qu'il détient... Enfin, que faut-il faire ? Un conseil ?»« Voici ce qui me paraît le plus logique. La surprise, comme vous le disiez, mais pas de la même façon. Voyons. Il faut attirer Zigomar loin de chez lui, dans un endroit à nous. » Un guet-apens ? Pas bon. Lui, trop malin, ne viendra pas. Pardon, il viendra. Vous croyez ? Absolument. Puisque vous devez traiter l'affaire des documents avec lui. Yes, alors. Avec vous, il ne se méfiera pas. Nous préparerons tout. On lui donnera rendez-vous dans une maison ayant plusieurs portes, quantité d'issues, dans laquelle on peut facilement pénétrer. Comme ici, fit en riant le détective américain, et dont on ne puisse sortir que si nous le permettons. Comme ici encore. Oui, comme ici. Well, après ? Après ? Dit Paulin Broquet. Après ? Quand vous, Thumbtwig, le plus grand détective américain, vous estimerez avoir tout à fait réussi votre coup hardi, merveilleux, et triomphé dans votre tentative extrêmement audacieuse. Après, quand Zigomar croira encore avoir roulé cet imbécile de Paulin Broquet, oh ! Protesta l'Américain. Alors, Paulin Broquet tout à coup apparaîtra. Yes. Paulin Broquet s'approchera de Zigomar. « Yes !» Comme s'il voulait mieux faire comprendre à Thumbtwig ce qu'il disait, Paulin Broquet se mit à jouer la scène qui, pensait-il, se passerait. De son côté, Thumbtwig, pour favoriser les explications de cette mimique, avait abandonné le fauteuil dans lequel il se tenait jusque-là. Il s'était levé, et des yeux très curieusement, il suivait son confrère. Paulin Broquet alors marcha sur lui, disant « À ce moment, Paulin Broquet lui donnera « Tenez !» « Vous permettez, mon cher, sur l'épaule, un coup comme ça. » Il joignit violemment le geste à la parole et d'une forte bourrade fit chanceler le détective américain qui, instinctivement, pour se retenir, tendit les bras en avant. D'un mouvement rapide, Paulin Broquet aussitôt entrava ses bras tendus, enserra les poignets d'une chaîne d'acier et il poussa un cri. « Et Paulin Broquet criera, « Zigomar, tu es pris !» Ce qui se passa alors ne dura que quelques secondes. Ce fut inouï, fantastique, fou. M. Beaumier regardait, n'y comprenant rien, complètement abasourdi. Une lutte, un combat terrible, des hurlements de bêtes fauves qui s'entre-déchirent, des meubles bousculés. Puis, enfin, renversé sur le canapé, les yeux hors de la tête, du sang à la figure, les habits déchirés, Thumbtwig, les mains enchaînées, et Paulin Broquet, qu'il tenait à la gorge, qui appuyait son genou sur la poitrine haletante de son cher confrère et qui rageusement, triomphalement à la fois, disait, se penchant sur le détective américain, « Tu vois, qu'on ne la fait pas à Paulin Broquet. Ça y est, tu es pris, Zigomar. »